Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est le moment de l'émission CND Educ. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire, je ne l'ai pas dit, donc Radio Libertaire 89.4. Tu seras châtié. De toute façon, ce sera répété toutes les 10 minutes sur cette radio, comme l'exige notre participation, le prêt des locaux. Bon, faire une phrase, c'est compliqué ce soir, vous l'avez remarqué, mais ça ne nous empêchera pas de faire une très belle émission, puisqu'on est en compagnie de Quick. Bonsoir. Et de Polov. Bonsoir. Et une camarade à la technique qu'on salue aussi. Alors ce soir, c'est une émission qui est consacrée à la question de. Bon, on peut le formuler de différentes manières, mais des frontières, bon, plus précisément des sans-papiers. Et vu qu'on est un syndicat de l'éducation, on se pose la question principalement, mais pas que, sous le point de vue des élèves sans-papiers qu'on peut rencontrer dans notre cadre du travail et du point de vue militant aussi. Donc ça va être un large sujet et on en abordera plein d'aspects. Et voilà, comme je disais, pas que du point de vue de l'éducation, puisque. Bon, on en parlera plus en détail après. Mais avant de commencer, on va faire un petit agenda récap de ce qui s'est passé ces dernières semaines, depuis la dernière émission. Alors, les nouvelles sont, comme d'habitude, la montée du fascisme. On commence à s'habituer. Mais là, quand même, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée. Voilà, je sais pas vous, mais moi, ça m'a quand même sacrément foutu en vrac. Donc après la mort de Quentin Dérenc, hein, globalement on est sur d'une part une répression du mouvement antifasciste et on en profite pour envoyer notre solidarité aux camarades antifa de Lyon mis en examen, et par ailleurs sur une libération totale de l'extrême droite, hein, y a une multiplication des attaques d'extrême droite ces dernières semaines, à Toulouse par exemple, il y a eu des bars qui ont été attaqués, y a régulièrement des députés, enfin des candidats de gauche pour les municipales qui sont agressés en pleine rue, globalement. Il y a quand même un cap qui a été franchi, j'ai l'impression, dans la libération des actions fascistes. Quoi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et oui, ce qui a été assez frappant dans les premières heures, enfin, premiers jours d'information, c'était l'automaticité de « Ah, le bon petit chrétien », tout ça. Enfin, moi, ça m'avait frappé par rapport à... Plus que l'Assemblée nationale, c'était ce traitement médiatique et les réactions publiques sur comparé à ce qui s'était passé au moment de Naël, quoi, où il y avait tout de suite la diabolisation, et là, comparé tout de suite... Enfin, après, les situations sont différentes et plein de choses, voilà. Mais, bref, assez inquiétant sur les réflexes politiques actuels. Et médiatiques. Mais, ouais. Bref, toujours dans la rubrique fascisme de cette émission, plus local du fascisme de bien de chez nous, 93, dernièrement, je suis fasciste, je le dis ça parce que c'est dans le cadre de VISA, donc Vigilance Syndicale Antifasciste, qui est un regroupement collectif de plusieurs syndicats, dont la CNT Éducation 93 fait partie, mais il y a aussi la CGT, FSU, Solidaire. Le SAF, le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature et la FSE. Voilà. Et donc, il y a deux jours. Hier soir. Ouais, Hier soir. Tu raconteras mieux que moi, puisque tu étais au rassemblement ce matin, ce midi. Oui, donc hier soir, trois de nos camarades ont été interpellés à la suite d'un collage dans la ville du Blanc-Mesnil. Hein, donc, ils collaient notamment. Donc, ils collaient sur des panneaux d'affichage public pour dénoncer notamment le premier adjoint du maire qui est également sénateur Les Républicains, qui est en fait le maire officieux en fait du Blanc-Mesnil, qui est dans la ligne plutôt ciotiste des Républicains et qui avait donc et qui a sur sa liste notamment quelqu'un qui est membre de Reconquête au municipal, et donc il collait, et en fait il y a eu une altercation avec des soutiens en fait de ce sénateur LR et une altercation en fait qui s'est conclue avec l'interpellation de nos trois camarades. Donc un a été relâché cette nuit, les deux autres étaient encore en garde à vue à 14h, donc on a fait un rassemblement intersyndical devant le commissariat du Blanc-Mesnil, mais c'est extrêmement inquiétant effectivement hein, sur la répression des actions alors antifascistes en l'occurrence, mais d'une manière générale sur la toute-puissance en l'occurrence du maire du Blanc-Mesnil sur son territoire. Très bien. Et comme dernier point sur les activités, donc il y a eu il y a deux jours le 8 mars et donc souvent aussi le 7 mars au soir, mais en tout cas on voulait parler un peu du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, qui est souvent journée de mobilisation, notamment à Paris où il y a eu une manifestation qui était, bah, vu le contexte, un peu sous tension. Peut-être vous voulez en dire quelques mots sur, pour celle. Oui, donc on était en cortège hein, avec la CNT région parisienne. Donc c'était une grosse manifestation, hein, y avait beaucoup de monde, et il y avait, comme depuis l'an dernier et même depuis deux ans, la question de la présence d'une part de Némésis, hein, donc collectif fémonationaliste, notamment impliqué dans les événements qui ont conduit à la mort de Quentin Dérenque, hein, et également hein, le collectif Nous Vivrons, hein, donc qui est un collectif fémotionniste, enfin, en tout cas un collectif pro-israélien et très anti-palestinien. Némésis a retiré sa présence à la manifestation. Elles avaient prévu de venir finalement. Elles ont manifesté dans un autre quartier de Paris, dans un quartier bien bourgeois de l'Ouest. Je ne sais plus si c'était le 16e. C'était le 16e, je crois. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Par contre, Nous Vivrons à essayer de venir, et du coup, là, il y a eu une réaction collective, globalement, de la manif qui s'est arrêtée pour empêcher, en fait, Nous Vivrons de défiler avec le reste du cortège. D'avancer, sachant qu'elles étaient cachées derrière deux rangées de camions CRS. Et du coup, on a beaucoup attendu qu'elles partent. Et rester debout, c'est aussi de l'action directe, parfois. Globalement, ça a quand même été plutôt un succès, il me semble, hein, c'est-à-dire qu'elles ont fini par tourner, puis par essayer de rejoindre le cortège par un autre bout, et finalement, je crois qu'elles ne sont pas arrivées à République. Ouais. Non, pas du tout. Elles se sont, elles sont restées du côté de Gare de l'Est quand on nous a poussé pour finir la manif le plus vite possible. C'était une fin de manif un peu sous tension. Très bien. Et si vous avez, il me semble, voilà, on a fait un peu le tour. Alors, pas exactement. Oui. Non, il y a quelque chose à rajouter en termes d'actualité. Bah, je pense qu'il faut quand même parler de la situation internationale. Hein. Donc, le peuple iranien qui, après avoir subi une répression assez sanglante de la part du régime, on parle quand même de 30 000 morts selon certaines ONG, qui maintenant subit des bombardements israélo-américains depuis une semaine maintenant. Et également l'opération militaire lancée par Israël au sud du Liban et au sud de Beyrouth. Donc voilà, on est aussi sur un contexte international qui, une fois de plus, ne prête pas à sourire, hein, globalement. C'est pas cool d'être de gauche en ce moment. Enfin, et puis c'est encore moins cool surtout d'habiter au Liban, oui, ou en Iran. Mais, et, non. Le régime du Moulin non plus. Ouais. Non, bien sûr. Oui. Non, oui. Mais on est bien d'accord. mais du coup, globalement, donc effectivement, le régime est pris entre deux, enfin, les peuples iraniens est pris entre deux feux, le régime d'un côté et les armées israélo-américaines de l'autre. Quoi. Très bien. Non, mais désolé. Non, mais t'as raison. Mais merci et voilà, une petite pensée pour Panna Cotta qui nous écoute, j'espère. L'international sera le genre humain. Et ben, on va passer à un petit bout de musique. J'ai raté ma transition du coup parce que j'avais prévu Go Musclé de Rebecca Warrior. Voilà, pour enchaîner. Mais voilà, on s'écoute ça tout de suite. Il paraît que ça fait péder, mais j'y peux rien, ça me fait mouiller. Les pecs plus gros que des lolos, envie de lécher leurs abdos. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Et ce soir, on est là pour l'émission de la CNT Éducation 93, après une petite tour d'actualité avant la pause musicale, on va s'attaquer au cœur de l'émission, donc à savoir le droit des étrangers, on va dire. Enfin, j'ai pas donné de titre précis encore à cette émission, mais voilà, les situations des étrangers en France, et notamment dans le cadre scolaire. Mais comme je disais en tout début d'émission, on se restera pas à ce cadre-là. Et pour commencer, peut-être, je voudrais. Il y a Quick qui est avec nous. Est-ce que tu pourrais nous te présenter un peu en termes de travail que tu fais en ce moment ? En ce moment. Oui, bonsoir. Du coup, moi, je suis assistante sociale à mi-temps dans un lycée du 93 et à mi-temps dans une association qui travaille pour la santé des personnes exilées. Donc, je travaille dans un centre de soins avec des médecins, des psychologues et des assistantes sociales pour les personnes qui n'ont pas accès aux soins en France. Soit parce que elles sont sans titre de séjour et donc n'ont pas de droit à la sécu, soit parce que elles ont peut-être un titre de séjour mais les droits à la sécu n'ont pas été ouverts, etc. Ou qui galèrent à se soigner en France. On va revenir un peu en détail sur le travail que tu fais en ce moment. Peut-être avant, tu pourrais peut-être nous présenter un peu ton parcours, comment tu en es arrivé, sur cette question-là, disons, comment tu en es arrivé à te spécialiser un peu sur ces questions de droit des étrangers. Il me semble que ça a commencé à la CNT, justement. Oui, alors en fait, moi j'ai... je viens d'une famille de droite, donc j'ai fait des études de droite. Après, j'ai commencé à militer à la CNT en 2017, je crois. Et notamment à participer aux permanences syndicales toutes les semaines à la CNT. Et au sein de ces permanences, j'ai été amenée à accompagner des gens qui venaient nous solliciter, notamment des travailleurs sans papier pour des demandes de titre de séjour ou des problèmes de renouvellement de titre de séjour. Avec à l'époque une camarade qui était très bien formée et qui a commencé à me former sur ces questions-là. Et puis ça m'a intéressée. Donc après je me suis aussi formée par moi-même parce que j'ai Big up à Légifrance. J'ai une passion assez malsaine pour Légifrance. Même sans du cahier, voilà. Ça fait ça, hein, ça attaque le cerveau. Ça attaque le cerveau. On peut parler de kink à ce niveau-là et on ne shamera aucun kink ce soir. J'ai commencé par le code du travail, après je suis partie sur le CZA. Code de l'éducation, c'est pas mal aussi, je t'en conseille, tu vas t'amuser. Ouais, je m'y mets. je viens d'arriver dans l'éducation nationale, donc je commence à fouiller le code de l'éducation, t'inquiète. Après quelques années à faire ça bénévolement, j'ai fait une repris des études pour être assistante sociale. Donc ça, tu l'as fait pendant combien d'années? Enfin, avant de le considérer comme un projet, enfin de faire des études dans ce domaine-là. Alors, au départ, en fait, j'ai pas repris des études pour faire du droit des étrangers. Mmh. Il se trouve que j'avais un projet pour monter une association de soutien aux femmes victimes de violences, particulièrement les femmes étrangères. Mmh. C'est des trucs un peu spécifiques. J'ai repris mes études en 2020, donc au bout de 3 ans. Mmh. Mais aussi par les rencontres de militants à la CNT, mais pas que. Et du coup, ça m'a donné envie... ça a déterminé ma non-envie de continuer dans ce que je faisais auparavant et l'envie de faire autre chose plus en lien avec, disons, mon parcours politique, on va dire. Ok, très bien. Et donc là, aujourd'hui, tu es arrivé dans une association qu'on va pas nommer précisément parce que c'est pas l'objet de, voilà, pour protéger ta vie personnelle, mais tu nous présentes, donc tu nous disais que c'était en lien avec la santé et Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment les gens arrivent avec vous, enfin, à votre asso, vous rencontrer, et notamment face à toi, parce que tu disais qu'il y a plusieurs pôles, il y a le pôle justement plus médical, plus assistante sociale. Ben, en fait, c'est un centre de santé hein, déjà au départ. Donc, l'idée, c'est de soigner les gens. Donc, en fait, les gens arrivent parce qu'en général, ils ont un problème de santé, qu'ils n'arrivent pas à avoir accès aux soins qui leur sont nécessaires. Donc, on a des permanences, des accueils sans rendez-vous tous les jours. Ils rencontrent une personne à l'accueil qui est formée un peu à l'orientation, au droit aussi, qui va les recevoir en entretien, leur poser des questions sur leur situation médicale, sociale. Et ensuite, on a des critères de vulnérabilité pour soit réorienter les gens vers le droit commun s'ils y ont accès, soit les inclure si du coup ils n'ont pas la possibilité de se faire soigner dans les structures qui sont dédiées aux soins en principe. On a 7 critères, la question de la situation administrative, la question vis-à-vis du titre de séjour. Est-ce qu'ils ont un titre de séjour ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de vivre en France ou pas? De s'installer en France? Est-ce qu'ils ont une protection maladie? Donc, soit la sécurité sociale, soit l'AME en fonction de la situation administrative, du coup. Est-ce qu'ils parlent français? Parce que du coup, il peut y avoir des difficultés d'accès aux soins, notamment quand on est complètement allophone. Vous travaillez notamment beaucoup avec des interprètes. Ouais, on travaille systématiquement avec les interprètes pour s'assurer que les gens au maximum comprennent ce qu'on leur raconte et dans une notion de consentement éclairé aux soins notamment. C'est hyper important que les gens y comprennent ce qu'on leur fait, parce que parfois ça arrive que des gens subissent des opérations et ils savent pas qu'on leur a enlevé un rein parce qu'en fait ils ont pas compris. C'est problématique. En effet. Voilà. Mais du coup, c'est des services qui sont spécialisés dans ces questions-là, enfin, ou avec lesquels vous retrouvez les mêmes collègues en fait, d'une fois sur l'autre. D'une semaine sur, enfin disons, il y a un suivi un peu. Les interprètes, vous les connaissez? Alors, en fait, les interprètes, on a certains interprètes qui sont en présentiel. On travaille avec une boîte prestataire, quoi. Certains sont en présentiel pour les langues qui sont très représentées sur l'accueil, parce que ça coûte moins cher aussi d'avoir des interprètes en présentiel, puis c'est plus confortable. Donc, il y en a certains qui sont quasiment des collègues. Alors, ils sont pas payés par l'association, mais pas payés directement par l'association, mais c'est toujours les mêmes jours, chaque semaine. Et puis, pour d'autres langues, comme en fait, on a des gens qui viennent de un peu près partout dans le monde, on ne peut pas avoir des interprètes dans toutes les langues tout le temps. Du coup, on a un service téléphonique. Donc, on appelle le téléphone et puis, on appelle le service, on demande la langue et voilà. Et après, c'est facturé à l'asso par tranche de demi-heure ou quart d'heure, je ne sais plus. Ça coûte hyper cher. C'est super. Voilà. Donc, du coup, y a cette question de la langue dans les critères de vulnérabilité. Il y a la question de est-ce que la personne a un logement ou un hébergement? Est-ce que la personne est isolée socialement? Est-ce qu'elle a des soutiens potentiels sur le territoire ou pas? Est-ce qu'elle peut se déplacer facilement? Est-ce qu'elle a une carte de transport? Est-ce qu'elle peut prendre les transports? Parce que des fois, c'est pas facile de se déplacer en métro dans Paris, ou en Île-de-France. La question de l'accès à l'alimentation, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui crèvent la dalle. Voilà. Et donc, si les personnes cochent en gros 5 de ces critères de vulnérabilité, ils vont être systématiquement orientés vers un médecin de l'association. Donc, c'est que vous les prenez en charge dans ce cas-là. Ouais, ils vont être. Pour être clair, 5 critères, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. S'ils en ont plus que 4, s'ils en ont moins que 5, disons 4, 3, Vous avez un réseau d'autres structures? On a un réseau d'associations, de structures, on peut les orienter. Parfois, l'accueil fait aussi des démarches, de l'aide, du soutien aux démarches pour des renouvellements de sécurité sociale, par exemple, pour lever des blocages quand la sécurité sociale répond pas ou parce que il manque un papier ou je sais pas quoi. Ils peuvent aussi faire de l'aide pour des renouvellements de titres de séjour quand il y a des petits trucs qui bloquent, ou de l'information simplement. Mais par contre, si les gens sont inclus, ils voient un médecin généraliste qui va faire un bilan de santé, qui va devenir leur médecin référent sur le centre et qui ensuite orientera en fonction des besoins de la personne vers l'assistante sociale ou vers la psy ou vers les deux. Du coup, la personne aura un suivi, sachant qu'une personne peut rentrer avec juste un suivi médical au départ. Et puis, à un moment, la situation se dégrade et du coup, ça, il y a besoin d'orienter vers l'AS, par exemple. Et du coup, il nous sera envoyé à ce moment-là, quoi. Okay. Donc je trouve que c'était intéressant de voir un peu dans quel public tu faisais affaire, l'association à laquelle tu travailles, parce que justement, quand on va parler un peu du cadre général du droit des étrangers en France, ce n'est pas les mêmes situations auxquelles on a forcément affaire, élèves en lycée, et qui sont souvent dans une situation plus stable, famille, choses comme ça. Et, il peut y avoir des cas différents. Oui, voilà. En tout cas, sur l'association, on a beaucoup de demandeurs d'asile, quelques réfugiés qui n'arrivent pas à avoir accès aux droits communs parce que le manque d'AS partout, le manque d'hébergement et de logement partout, et puis le problème de la langue, parce qu'en fait, les demandeurs d'asile, ils n'ont pas accès aux cours de français tant qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance. Quand tu viens du Sri Lanka et que tu parles tamoul, apprendre le français, c'est pas hyper linéaire. J'ai une question qui est un peu la question du financement de ces associations, parce que C'est la galère. C'est la galère, ouais, j'imagine. J'imagine que ça repose beaucoup sur des financements publics qui sont plus ou moins... Enfin, ça donne une dépendance par rapport à l'État, qui est aussi à la fois de faire des missions de l'État. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, que dans les hôpitaux, normalement, il y a un pôle d'accès aux soins. Alors, normalement, tous les hôpitaux ont ce qu'on appelle une passe. Ça fait partie des missions des hôpitaux, qui est une permanence d'accès aux soins de santé pour les personnes précaires qui n'ont pas, qui peuvent pas payer. Alors, soit parce que la sécurité sociale est pas ouverte, c'est pas spécifique aux personnes étrangères. Ça peut être aussi des Français qui ont perdu leur sécu, qui ont pas de mutuelle, ce genre de choses. Et qui sont censés faire prodiguer les soins nécessaires. C'est des structures qui peuvent être un peu saturées. C'est sur le budget de l'hôpital et pas de la sécu, puisque du coup, si les gens n'ont pas de sécu, ils ne peuvent pas facturer la sécu. Où il y a des assistantes sociales, normalement, qui ouvrent les droits aussi sur les passes. Mais parfois, en fonction des hôpitaux, etc., ça peut être plus ou moins difficile d'accéder à la passe et d'avoir les soins nécessaires en passe, sachant que tout n'est pas disponible. Par exemple, si tu as un problème de dents, il y a de passe dentaire en Île-de-France. C'est à Mont-d'Or et à la Salpêtrière. Et il me semble qu'aux dernières nouvelles, à Mont-d'Or, c'est fermé plus ou moins. Donc, du coup, t'as un abcès dentaire, démerde-toi. Voilà. Okay. c'est les urgences, quoi, mais après, faut... Oui. Donc voilà, je posais la question un peu justement en lien avec le financement, justement ce rapport service public fait par l'État et que vous palliez, mais aussi financé par l'État aussi. C'est comme beaucoup d'associations, hein, on pallie la fin du service public. Donc on est financé en partie par les ARS. Donc les agences régionales de santé, les budgets du ministère de la santé, en partie par des financements européens. Parce que les ARS, c'est aussi les ARS qui financent les hôpitaux. Mais d'ailleurs, quels intérêts elles ont à pas donner de l'argent aux hôpitaux et à vous le donner à vous, par exemple? Excellente question. Bah, en fait, après, le truc, c'est que de toute façon. Est-ce que c'est plus pour faire justement une partie modulable? Vous, c'est plus simple de couper l'argent à une association que de couper un budget. Ouais, puis en fait, je pense qu'on coûte moins cher. Que vous êtes hyper efficace, c'est génial. On est super. On est fatigué. mais ouais, donc il y a une partie qui est financée par les ARS parce que c'est des trucs que les hôpitaux font pas. Et une partie qui est financée par des fonds européens sur l'accompagnement des réfugiés et demandeurs d'asile sur la santé notamment des demandeurs d'asile et réfugiés qui est passée sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Autant vous dire que bon, les contrôles ne sont pas les mêmes. Ouais. L'argent va couler à flot prochainement, je sens que ça va. Exactement. Et ensuite, il y a des financements publics en fonction des endroits, des régions, parce que du coup, l'association a des antennes dans plusieurs régions de France. Ça peut être les régions, ça peut être les départements, des trucs un peu locaux, des villes parfois. Et puis, quelques financements privés. Avec des appels aux dons réguliers parce que on est en PLS. Voilà. Oui. Et là, une autre raison pour laquelle je posais la question de le financement, et là j'y pense quand tu le réévoques avec la question du ministère de l'Intérieur qui intervient dans ce cas-là, c'est qu'on l'avait vu beaucoup dans le milieu de l'éducation populaire, qui au moment du SNU, on se revu beaucoup couper les subventions. Et après, ils ont dit, le ministère des Armées a dit, ah, mais on a des petites subventions pour toutes celles qui veulent intervenir au SNU avec nous. Ça peut être aussi C'est toujours pour l'instant, ils mettent plus ou moins, peut-être pas trop le nez dans vos fonctionnements, et de vous dire, ah, en fait, nous, on veut bien que vous traitez des étrangers, mais telle catégorie, ou telle, ou pas. En fait, ça pose déjà des problèmes, parce que, du coup, c'est des financements qui sont fléchés sur certaines catégories d'étrangers. Okay. Et du coup, on nous demande typiquement de récolter les numéros étrangers pour vérifier qu'on aide bien des demandeurs d'asile et pas des sans-papiers, parce que les sans-papiers, ils ont le droit à rien. De fait, on trie pas. Oui. Mais parce qu'en fait, on va pas commencer à soigner les gens en fonction de leur statut administratif. mais du coup, derrière, c'est la possibilité pour le ministère de dire, ah ben non, mais nous, on avait fléché sur eux, donc en fait... Oui, le jour où ils leur nez dans... C'est déjà arrivé, en fait, ouais. des bouts de subventions qu'on aurait dû avoir sont supprimés, parce que en fait, on n'aide pas les bonnes personnes, quoi. Ou pas assez, voilà, bref. Très bien. Je me demandais, est-ce qu'on fait une petite pause musicale ou... Oui, je pense qu'on peut faire une petite pause. Ouais. Donc là, on va s'écouter Salut à toi des Berruriers Noirs. On est sur Radio Libertaire, la CNT, tout ça. Les punks, machin. Et puis, dans le contexte de solidarité internationale dont on a besoin, ça semble quand même particulièrement approprié. Toujours. Et que vive le rock libre ! Salut à toi, oh mon frère, et à toi, peuple net, et à toi, l'Algérien, et à toi, l'Indonésien, et à toi, Bangladesh, et à toi, peuple grec, et à toi, Bosnien. Et à toi, Frank Kyrian, et à toi, Robert Lambert, et à toi, le Dissident, et à toi, le Chilien, et à toi, le Tibérien, et à toi, le Boycott, et à toi, peuple gitan, et à toi, l'Éthiopien, et à toi, le Tchadien, salut à vous, les partisans, et à toi, Jolien, et à toi, le Vietnamien, et à toi, le Cambodgien, et à toi, le Japonais, et à toi, Thaïlandais, et à toi, le Laotien, et à toi, le Coréen, et à toi, le Polonais, et à toi l'Irlandais, et à toi l'Européen, et à toi le Moyen, et à toi le Anglais, et à toi le Portugais, et à toi le Mexicain, et à toi le Marocain. Salut à toi le Libanais, et à toi le... Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous écoutez l'émission du syndicat des travailleuses de l'éducation du 93. Et je suis toujours avec Léo et Quick, toujours pour parler de la question du droit des étrangers, alors des élèves sans papier, mais plus largement du droit des étrangers en France. L'absence de droit. Voilà. Alors justement, Quick, donc si on reprend, donc en gros, ça fait à peu près 10 ans que tu traînes dans la question du droit des étrangers. Hein. Ah, Starfella, comme on dit. Macron. Voilà. J'avais pas calculé. Et du coup, bon, bah, depuis 2017, il s'en est passé des choses au niveau du droit des étrangers. À peu près à chaque ministre de l'Intérieur de Macron, il y a eu Gérard Collomb en 2018, Darmanin, Retailleau. Justement, alors, ça date pas de Macron. Oui. En moyenne, tu as une loi immigration tous les 18 mois, ce qui est vraiment super quand tu as un King Légifrance, du coup, parce que c'est sans cesse renouvelé. Et oui. Et toujours pour le pire. Mais justement, bah, toi, comment tu l'as perçu en travaillant sur cette question-là, là, depuis 10 ans Alors, la grande tendance, j'imagine que c'est la restriction, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as senti l'évolution sous les deux mandats Macron, quoi, du droit des étrangers en France ? Restrictions. Enfin, après, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'était le ministère de l'Identité nationale de Sarko, qui était déjà une belle saloperie. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que t'as des lois qui... Enfin, chaque ministre de l'Intérieur veut mettre sa petite loi. Et puis, avec le glissement... fasciste qu'on voit depuis quelques années, c'est toujours de plus en plus restrictif et puis régulièrement, tous les 12 ans, on nous dit attention la ME, ça coûte cher. Voilà. Et à chaque fois, t'as envie de leur dire, ouais, ça coûte cher, mais enfin, c'est aussi une question de santé publique parce que l'aide médicale aux étrangers, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, l'aide médicale d'État, okay. Qui est en fait une aide sociale pour payer les soins de santé des personnes sans papier, pour le coup. Et voilà. Et à chaque fois, moi, j'ai envie de leur dire, mais tu sais, la tuberculose, elle est moins raciste que toi. Donc, si tu spreads des maladies, à un moment, tu vas la choper. Et c'est chiant. Enfin, je sais pas quoi te dire. C'est la question du. Souvent, le titre de séjour, c'est lié à la question du travail. Donc, il y a plein d'autres critères, mais ça. Ouais. C'est beaucoup de. Vraiment. Oui. Tous les travailleurs étrangers sont loin d'avoir un titre de séjour. Oui. Notamment avec les. C'est pareil, les restrictions de plus en plus vénère sur la régularisation par le travail, qui est quand même un délire un peu légal, parce que t'es étranger, t'as pas de titre de séjour, t'as pas le droit de travailler. Par contre, si tu prouves que t'as travaillé si tu présentes 12 fiches de paye sur les 24 derniers mois, alors là, tu peux demander un titre de séjour. Toi, quand t'expliques ça aux gens, les gens, ils te regardent en mode, mais du coup, enfin, quoi? Voilà. Et c'est toute l'absurdité aussi du système, quoi. Et qui en fait permet juste d'avoir des gens exploitables hyper facilement pour les patrons, parce que ils vont pas les revendiquer, tu les payes pas, et en fait ils savent pas que le droit du travail s'applique à eux, ils ont peur d'aller attaquer parce que évidemment ils ont peur de se faire attraper, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de travailler, et voilà. Et donc pour peut-être essayer de mieux comprendre justement parce que les modifications justement des différentes circulaires, règles, c'est souvent dans les détails et des choses, des catégories, enfin c'est des reculs progressifs sur plusieurs petits points. Peut-être on peut essayer de comprendre un peu mieux la situation générale. Déjà, qui a besoin de titre de séjour, enfin qui est concerné par ce type de questions? Toute personne étrangère majeure qui souhaite se maintenir sur le territoire français, au-delà de son visa éventuel. En fonction des aides des pays, il y a des visas plus ou moins. On va pas rentrer dans les détails, hein, du tout. Sans rentrer dans les détails, les visas de tourisme en général, c'est 3 mois. C'est liberté de circulation. Liberté de circulation pour les Européens. Pour les Européens, plus. Oui. Donc les Européens, par exemple, n'ont pas besoin de visa pour rentrer en France. Par contre, ils ont besoin d'un titre de. Enfin, ils doivent justifier d'un droit au séjour pour pouvoir se maintenir au-delà de 3 mois en France. Sachant que pour les Européens, donc tous les Européens ne sont pas réguliers en France. Mais par contre, ils n'ont pas besoin d'autorisation de travail pour travailler. Donc un Européen qui arrive et qui obtient un contrat dans une entreprise française, obtient un droit au séjour de par son travail sur le territoire français. Mais on peut avoir des Allemands avec des OQTF, ça existe. Bon. C'est pas l'Europe des chômeurs, quoi. C'est l'Europe des travailleurs. Ouais. Faut que tu sois utile au capital, quoi. Parce que sinon, tu peux retourner là d'où tu viens. Mais par contre, c'est tu perds les droits de ton pays d'origine, le chômage, j'imagine. Enfin, si tu arrives en France. À l'inverse, des chômeurs français qui vont passer trop de temps en Espagne, on va leur sucrer leur chômage aussi. Oui, je pense que ça fonctionne dans qu'on peut se couper. Voilà. J'ai pas une connaissance extensive du droit tous les pays européens. Non, mais oui. C'est long. T'as pas poncé les J-Deutsch. J'ai pas poncé les J-Deutsch. J'ai un peu regardé les questions d'asile parce que du coup il y a une question de répartition des demandeurs d'asile sur les pays européens en fonction de l'endroit où les personnes arrivent pour en premier lieu dans, sur le territoire européen, qui est en fait le pays responsable de leur demande d'asile. C'est ce qu'on appelle la procédure Dublin, ce qui pose des difficultés. C'est aussi préfecture, non ? Enfin, c'est-à-dire, même si c'est dans une ville en France, il n'y a pas des... Non, c'est différent. Ça, c'est non, pas... on s'en fout. Le transfert des dossiers, il est possible d'une préfecture à l'autre. Pour la demande d'asile. Ouais. Pour, là, en fait, donc, pour, sur le cadre général, toute personne majeure étrangère qui souhaite se maintenir en France doit faire une demande de titre de séjour. Il y a plusieurs catégories de titres de séjour. Les titres de, qu'on appelle les titres de plein droit, qui sont en gros les titres de séjour qui sont prévus dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. CESEDA. Voilà. Qui, du coup, bah, en fait, si les personnes rentrent dans les cases qui sont prévues sur les articles du CESEDA. Dans les grandes lignes, est-ce qu'on pourrait rappeler quelques grandes catégories auxquelles tu fais face dans ton travail ou, Ben alors, par exemple, il y a le titre de séjour pour soins, donc là qui est un des titres de séjour qu'on mobilise beaucoup dans l'asso où je travaille, qui est conditionné au fait d'avoir une maladie grave dont l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences graves sur la santé. Et pour laquelle les soins ne sont pas disponibles dans le pays d'origine. Oui. Donc il y a un collège de médecins à l'OFI, l'Office français de l'immigration, qui reçoit les certificats médicaux des gens qui demandent des titres de séjour pour soins et qui donc sont chargés d'évaluer la gravité de la maladie, la gravité des conséquences en cas d'absence de soins et qui ont une petite arborescence de tous les systèmes de santé du monde et décident si telle maladie est soignable en Algérie, au Cameroun. Des charmantes personnes. Je ne doute pas, c'est... Voilà, et ensuite, ce qui donne un avis à la préfecture sur laquelle la préfecture se base pour délivrer ou non le titre de séjour. Mais ce n'est pas le préfet qui décide comme ça. Donc l'avis de ce collège de médecins est, n'est pas contestable par la préfecture. C'est celui-là qui... Si le collège de médecins dit oui, si le collège de médecins dit effectivement ça rentre dans le cadre du titre de séjour pour soins, la préfecture doit en principe délivrer un titre de séjour. Si c'est pas le cas, oui, après tu peux tenter d'autres demandes. Non, bah tu fais un recours. Tu fais un recours. Ouais. Tu fais un recours et si la personne ne présente pas de menace à l'ordre public. Parce que du coup, depuis 2024, donc la loi Darmanin, la condition de menace à ordre public est prévaut pour toutes les demandes de titre de séjour. Sachant qu'une menace à l'ordre public, ça peut être un peu... Une garde à vue, sa survie, quoi. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être une garde à vue, un ping dans un fichier de justice pour une amende impayée depuis 1000 ans. Enfin, on a vu des trucs un peu exotiques qui peuvent sauter au tribunal administratif s'il y a un recours de fait, mais en tout cas ils tentent des trucs un peu étonnants parfois. Voilà. Et après donc ça, par exemple, ça, c'est un titre de plein droit. À partir du moment où tu rentres dans les conditions de maladie, bah, du coup, le préfet n'a pas tellement de liberté d'appréciation. Après, tu as les titres qui sont de l'admission, qui relèvent de l'admission exceptionnelle au séjour, qui sont tous les... Vie privée familiale, c'est... Alors, vie privée familiale, c'est une catégorie de carte de séjour et pas une catégorie de titre de séjour. Okay. Et donc, du coup, par exemple, les gens qui ont un titre de séjour pour soins, ils ont une carte vie privée et familiale. D'accord. C'est tout ce qui concerne, en fait, c'est la carte d'un an qui concerne tous les motifs de régularisation qui concernent ta vie privée et familiale. Si t'es salarié... C'est la plus grosse catégorie. Enfin, oui, travail... Voilà. Ou si tu fais une demande de titre de séjour pour travail, bah, tu vas obtenir une carte salarié ou travailleur temporaire. Ce ne sera pas vie privée et familiale, puisque tu es là au titre du travail. Mais donc, sinon... étudiant, c'est une autre carte. Étudiant, c'est une autre carte. Il y en a d'autres à ta Alors, carte de résident. Résident, oui, plus de... Voilà. Qui sont des cartes de 10 ans. 10 ans. Et sinon, carte de résident, vie privée et familiale, salarié, travailleur temporaire, étudiant. Passeport talent, truc bizarre là, on s'en fout de toute façon. Enfin, ça concerne très peu de gens. Et en tout cas, pas les gens que je vois, surtout, qui sont des titres de séjour pour attirer les talents étrangers, donc les chercheurs, les artistes, les trucs comme des ça. Des consulats qui font des. Attirer des artistes pour des résidences de création. Oui, voilà, ces machins-là. Et après. Et tout le reste, après, c'est l'exception exceptionnelle au séjour, du coup. Tous ceux qui rentrent pas dans ces grandes catégories. Non, mais en fait, tous ceux qui rentrent pas dans un article spécifique du CESEDA sur des critères très particuliers, c'est de l'admission exceptionnelle. L'admission exceptionnelle, c'est du coup, tu peux justifier de liens particuliers avec la France, etc. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas sur les admissions exceptionnelles, il y a un pouvoir d'appréciation du préfet de la demande qui est beaucoup plus large que sur les titres de séjour qui sont prévus un peu rigidement dans la loi, quoi. Mais ça, justement, on peut peut-être comprendre justement. Au début, il y avait une si j'ai bien compris ce que tu m'avais expliqué avant, il y avait une liberté totale de la préfecture jusqu'à une circulaire Retailleau. Valls, qui cadrait, restreignait un peu les. En fait, l'admission exceptionnelle au séjour, c'est un article du CESEDA qui dit que tu peux justifier de liens particuliers avec la France. Bon, en fait, il y en a trois ou quatre, mais voilà. Bref, c'est un gros bloc que tu peux demander un titre de séjour en justifiant de liens particuliers avec la France au titre de ta vie privée, de ton intégration, etc. Jusqu'à 2012, c'était vraiment à l'appréciation des préfets. Et du coup, on pouvait faire tu pouvais faire des demandes de titre de séjour en justifiant pourquoi tu avais besoin de rester, etc. Et en 2012, du coup, il y a Valls, le non regretté, qui ministre de l'Intérieur de Hollande, pas plus regretté, fait une circulaire auprès des préfectures pour un peu cadrer cette question-là, parce que c'était vraiment très préfecture-dépendant aussi, en donnant en fait des critères pour apprécier l'intégration en France. Et donc c'est dans la circulaire Valls qu'il y avait le fameux 5 ans de présence avec 3 ans de scolarité, quoi, utilisaient beaucoup les collectifs et qui se mobilisaient pour les élèves sans papier, pour régulariser les élèves sans papier. Et en fait, à l'époque, il y avait eu pas mal d'assos qui avaient gueulé sur le fait que, en fait, c'était une manière déjà de restreindre cette admission exceptionnelle, puisque c'était plus, on pouvait plus faire la demande sur n'importe quel motif en le justifiant bien. Il fallait du coup re-rentrer dans des cases et essayer de faire de la justification, machin. Et puis arrive 2025 et l'autre facho là, qui décide qu'en fait Valls c'est quand même un peu trop facile parce que il y a plein de voies de régularisation, donc il supprime tout. Il abroge la circulaire pour en pondre une qui fait 2 pages pour dire que en gros l'intensité des liens avec la France se regarde à l'aune de 7 ans de présence minimale en France. Ce qui est très rigolo pour des. Dans le cas des élèves. C'est très rigolo pour les jeunes majeurs. Ouais, jeunes majeurs qui... Parce que y a un titre de plein droit, pour le coup, qui dit que si tu es arrivé avant l'âge de 13 ans, pour la majorité des nationalités, ça sauf les Tunisiens et les Algériens, parce qu'eux, ils ont le droit à un système dérogatoire. Dérogatoire dans le mauvais sens dans ce cas-là. Dépend des trucs. Oui, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est dérogatoire dans le très mauvais sens, puisque les Tunisiens et les Algériens, c'est quand ils arrivent avant 10 ans. Il faut qu'ils justifient être en France, arriver en France avant 10 ans. Mais en tout cas, pour les autres nationalités, c'est avant 13 ans. Du coup, si t'es arrivé en France avant 13 ans, tu as un titre, tu peux demander un titre et que tu peux justifier que t'as une résidence régulière et que t'es scolarisé, tu peux demander un titre de séjour et tu obtiens un titre de séjour de plein droit à tes 18 ans. Et si vous comptez bien, 18 moins 13, ça fait 5 ans. Et donc, y a des petits malins qui sont allés poser la question à la préfecture, notamment à la préfecture de Bobigny. RESF a posé la question à la préfecture de Bobigny en disant, mais du coup, l'AES, en fait, on demande l'admission exceptionnelle au séjour quand il n'y a pas d'autres motifs. Et du coup, là, si vous attendez 7 ans, bah, en fait, les gens, ils ont... Ben, ils peuvent pas demander à 18 ans. La préfecture a dit non, bien sûr, on ne va pas prendre en compte les 7 ans de présence pour les jeunes majeurs. Et du coup, ils ont fait bah d'accord. Et du coup, quoi? Et après, silence radio. Donc, on ne sait pas. En fait, on n'a pas encore énormément de recul sur la circulaire Retailleau. Parce qu'en fait, elle a que un an. Et que du coup, comme le temps, bah en tout cas en région parisienne, le temps moyen pour obtenir un rendez-vous de préfecture quand tu demandes une admission exceptionnelle au séjour, donc la circulaire concerne les AES, c'est 2 ans. Ouais. Donc, il me semble que dernièrement, quand ils ont fait des démarches simples, ils ont supprimé, recommencé toutes les nouvelles demandes. Enfin, il me semble que la préfecture de Bobigny a... Ouais, il y a eu des couilles avec les plateformes en ligne, ouais, pour déposer les titres de séjour, et il y a des titres de séjour, des demandes qui ont disparu, ouais, c'est super. Ouais. Et voilà. Et donc Retailleau demande d'apprécier la qualité de l'intégration en France, donc sur ce truc-là, et réinsiste sur le fait que en cas de refus de séjour, merci de mettre des OQTF, parce que quand même il faudrait pas que les gens restent en France, voilà. Et justement sur les OQTF, il me semble que c'était la loi Darmanin qui avait changé un peu les conséquences d'une OQTF sur la durée ça a augmenté la durée de d'exécution. Une OQTF, en fait, quand tu récupères une OQTF, ton OQTF, elle va rester à vie, mais elle a un délai de ce qu'on appelle exécutoire, ce qui veut dire que pendant ce délai-là, la police, la préfecture, peut te forcer à procéder à un éloignement forcé, qui consiste essentiellement à t'enfermer en CRA quelque temps, en attendant que l'avion vienne te chercher et te redépose dans le pays dont il considère que tu es originaire. Et en fait, avec la loi Darmanin, ce délai d'exécution est passé de 1 à 3 ans. Ce qui pose des problèmes considérables, puisque en fait, quand tu as une OQTF exécutoire, bah, typiquement, tu ne déposes pas d'AES parce que, un, tu ne l'auras pas, et deux, tu prends le risque de te faire arrêter à la préfecture, ce qui n'est pas cool. Donc, en fait, ça laisse les gens dans des zones de non-droit pendant hyper longtemps, quoi. Et donc, si jamais vous êtes confronté à des proches qui ont des OQTF, il y a des recours, enfin, il faut faire appel, c'est possible, dans les 15 jours, 30 jours ? Non, un mois. Un mois ? Oui, 30 jours. C'est 30 jours, c'est 30 jours pour quasiment toutes les OQTF, sauf dans les cas de CRA, etc. Et donc, avocat tout de suite. Et avocat tout de suite. Voilà. Et il y a un système d'aide juridictionnelle qui permet de faire payer l'État pour vos avocats. C'est très important, si vous n'avez pas les moyens de payer. Voilà. Faites payer l'État, s'il vous plaît. Et justement, puisqu'on évoque les CRA, il me semble que c'était en 2018, les délais d'extension justement d'enfermement en CRA qui sont passés de 30 jours à 90 jours. Ça, c'était la loi... C'était la loi Collomb. Collomb, ouais. Justement. Tu voulais en dire quelques mots, peut-être? Non, parce que moi, c'est le moment... C'est charmant lyonnais. Alors, déjà, j'ai toujours un amour pour les Lyonnais exceptionnels, et surtout pour celui-là qui, désormais, a quand même une gare à son nom, hein, dans le métro lyonnais. Non. Gare de Vesse Gérard Collomb. Ça a été rebaptisé l'an dernier. En même temps, Gérard Collomb, c'est vraiment le baron local lyonnais. Non, moi, pour la petite histoire, c'est cette réforme qui m'a fait basculer dans la gauche radicale, quoi. C'est la réforme Collomb en 2018. Je m'intéresse un peu à la question des exilés. Et puis, bon, bah... voilà. On est là. Mais on n'oublie pas ce cher Gérard qui, je l'espère, crève en enfer si l'enfer existe. Mais... Parce qu'il est mort. Ouais. Ok, mais il y a des bonnes nouvelles comme ça des fois. Hein. Moi, je rate des choses. Ouais, c'est pour ça qu'il avait une guerre à son nom. C'est la contrepartie du fait qu'il a calanché il y a 2-3 ans, je sais plus. Peut-être une petite pause musicale. On peut faire une pause musicale, sauf si. Ouais. Avant de parler de la situation plus spécifique des collèges-lycées. Voilà, ouais, tout à fait. Très bonne remarque. Et donc, on va s'écouter Dope de Mairo. Voilà, c'est un rappeur suisse de famille érythréenne qui fait des choses très, très, très chouettes. Je vous invite à écouter tout son dernier album, La Fièvre, mais aussi ses anciens projets. Enfin, voilà, c'est. Ça va dépoussiérer un peu les berrues. Tous mes proches, t'es entouré de l'Allemagne. Tu tronces, tu m'imagines encore avec un tambour et des tam-tams. Je bénis chaque matin que je vis, je maudis chaque maton que je vois. Je prendrai le maximum de liquide jusqu'à ce que ma passion me noie. J'ai envoyé chez chaque patron, voyagé dans chaque wagon. Je crois que je suis fait de la même graine que les Black Panthers et les Black Dragons. Cette merde est remplie d'amateurs, de fanatiques et de fous. Moi c'est les vapeurs toxiques que la galaxie s'étouffe. Tabasser des prods, les gueux, ramasser des corps, les gueux. Amasser 1 milliard pécules qu'aucun de mes albums passe inaperçu. Je vais pas le blonde qui nique sa mère, car tout ce qu'il a pris, il l'a perdu. Force à ceux qui vivent avec moi, bravo à ceux qui vivent avec plus. On est ensemble si dans ton truc t'es investi, comme moi. Si t'as pris ton avance et que tu l'as investi, comme moi. Pour ma part, chèque, c'est du travail. Je suis au studio vers Louis Kazaï, posé avant que les soucis ne m'assaillent. Regarde ce que j'ai osé braver. Le regard des darons blasés, le regard des tantines casées. Mais je fais comme les idoles, tonton Lino et tantine casée. Ce qui me manque trop gros, c'est des liasses. Dans ce j'ai sauté des classes. Bosser les dribbles, bosser les passes. Mais je ne suis pas satisfait encore. Les grosses liasses et les chaînes en or. Mais faut pas que ces chaînes m'endorment. Je vais faire du sale tellement gore. En attendant que le ciel m'emporte. Tabasser des prods, les gueux. Ramasser des corps, les gueux. Amasser 1 milliard pécules. Aucun de mes albums passe inaperçu. On voit bien que t'y connais rien. S'il te plaît, suce pas trop. Rapper faire 6 heures de décalage avec New York. Mais 5 ans de retard sur Mairo. Déjà ton label, il s'en bat les reins que t'aies des choses à dire. Crois pas qu'ils adhèrent. Il veut juste que tu sois sa poule aux œufs d'or. Que tu ramènes du cheddar. Que tu sois son petit Jedi. Prends ton disque d'or, embrasse ta dar et rentre chez toi. Massa, Zaza, et je play un Maza Laza. Je viens de loin comme à la salle, au-dessus de la barre comme à la salle. Les coups, on les assène. Dans toutes les bouches, grosse assène. Encore quelques M, on sera zen. Pour avoir de la barbe, on sera zen. Je passe à l'acte et ça va péter comme les étoiles dans la voie lactée. Ma chérie, machallah, t'es plus fraîche que mon match à latte. Je te bois, je te sirote. Tu sais que quelques gouttes suffisent. J'ai le discours qui s'apprête à mettre en grève presque toute l'usine. Je déteste ta tronche, je peux pas te saquer. Je suis avec mon libre, tu peux pas me maquer. Mode sport, tu peux pas me tracer. Mode fantôme, tu peux pas me tracer. Tabasser des prods, les gueux. Ramasser des corps, les gueux. Amasser 1 milliard pécules. Aucun de mes albums passe inaperçu. Ce que tu ressens, c'est ma braise. Le 1200, c'est l'adresse de Mairo. Je trouve que je prie, c'est pendant la messe, je baille gros. Mais tu vois tout, moi je vois tout. Je pense à rentrer comme le mois d'août. MAI et hôpital, tu peux nous comparer à deux poids lourds. Vache qu'au bout, t'es sûr de te battre. Même si tu fais, c'est que de base. Je dirais jamais, c'est que de balles. Mon but, c'est de sécure le bac. Mon album, c'est un coup de schlasse. Dans tous les âges vides, t'es un fou, toi. Ça fait plaisir, t'écoutes ma Yves. Mais comment ça, je suis un noir, good vibes. Ta promo de merde, j'ai tout swipe. J'ai survolé comme Bruce Wayne. Je vais pas jouer le noir dans Bloodsport. Longue casting et rippé Juice WRLD. Je fais pas d'hierarchie de la haine. Je ne généralise pas les fautes commises. Mais je ne crois pas en l'extermination d'un peuple pour une terre promise. Les Amérindiens savent de quoi je parle. Les Palestiniens savent de quoi je parle. Les nations qui constituent l'Afrique n'ont jamais été sauvées par des braves gars. Tu peux être sûr qu'il se passe les plans. Les gueules, les bidons, veulent les guidons. Laissez les dons qui se cassent les dents. Et vous êtes de retour sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Et vous écoutez l'émission de la CNT. Vas-y. La CNT Éducation 93, pardon, j'avais pas vu. On s'amuse comme on peut en studio. Allez. On la refait. Arrêtez tout. J'avais pas compris. Bon, donc, on est de retour pour cette émission hein, donc sur la question générale du droit des étrangers en France, et en particulier, comme on est un syndicat de l'éduc, hein, la question des de nos élèves sans papier. Alors, justement, alors, Léo, tu disais, hein, vous, dans votre... donc, toi, c'est un lycée dans lequel tu travailles. Oui. Et donc, vous êtes en train, justement, de vous organiser entre enseignants, enseignantes et, j'imagine, autres personnels pour proposer une sorte de permanence, en gros, pour les élèves sans papier de votre lycée, c'est ça? Oui, bah, on s'est constitué un collectif qui s'appelle De la Croix sans frontières, parce que c'est le nom du lycée, quoi, De la Croix. Mais c'est une démarche qui a pris du temps, notamment pour plusieurs raisons, mais notamment parce que, comme on l'a vu juste avant, le droit d'étranger, c'est compliqué. Et quand on se trompe, c'est vraiment la merde. Et c'est donc faut pas voilà. Donc on a pris notre temps pour se former un peu sur ces questions. Et du coup, par quel biais vous avez pu du coup vous former collectivement, en ayant a priori peut-être pas de spécialiste dans le lycée On s'est formé. Moi, ça a commencé un peu via la CNT, en discutant avec d'autres camarades qui avaient d'autres collectifs déjà sur ces questions, puisque c'est le cas dans la plupart des lycées où on est présent. Pas forcément à notre initiative, mais où on y participe. Et aussi, le camarade Quick ici présent, qui nous avait déjà fait une première formation l'année dernière dans le cadre de la CNT sur le droit des étrangers en France. Et après, plus récemment, pour vraiment lancer... Donc ça, c'était une initiative, enfin, plus des réflexions personnelles, voilà, de recherche. Et du coup, j'en discute avec mes collègues. Et quand on a voulu vraiment se lancer, on a sollicité l'aide de RESF, qui nous a proposé une soirée de formation. Alors, RESF, peut-être tu peux expliquer. Le réseau Éducation sans frontières. Donc, c'est un réseau qui est national, qui a des antennes locales. Donc, par la RESF 93, donc c'est Réseau d'éducation sans frontières, c'est une association qui est en Seine-Saint-Denis, et qui a des antennes même par ville. Mais donc, justement, nous, on a créé ce collectif-là, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait dans notre lycée des situations, des élèves en situation. Compliqué administrativement, donc pas juste en situation régulière parce que ça il y en a beaucoup, mais voilà, il y en a où ça posait problème, notamment question de stage, parce que élèves en lycée professionnel qui voulaient faire des stages, et donc question du travail quand ils sont majeurs, des choses comme ça, des élèves, des voyages scolaires, dès qu'il fallait sortir de France, ça, des questions se posent. Quand ils sont mineurs, il y a des démarches qui sont possibles, mais quand ils sont majeurs, bref. Et même des situations plus urgente, quoi. Ce qui nous a un peu fait nous rendre impuissants et la nécessité du collectif, c'était une élève sans papier, mais qui avait aussi des problèmes de logement, qui se retrouve à la rue. Et donc, on en avait parlé en HIS, on avait essayé de faire un peu de solidarité, on s'est débrouillé un peu. Mais justement, on naviguait à vue, on connaissait rien. C'était très frustrant. On faisait un peu de soutien, mais c'est. Voilà, on avait du mal à avancer. Et donc, on s'était dit que. C'était mieux de ne pas découvrir cette situation sur le dernier moment, d'anticiper un peu et de pouvoir avoir un discours plus politique sur ces questions-là, quoi. De ne pas juste faire de la charité, parce que ce n'était pas déjà ce qu'on faisait, c'était déjà une question qu'on pensait un peu comme politique, mais on était comme on marchait sur des œufs, on ne sait pas trop ce qu'on peut dire, on avait peur que ce soit de rendre les choses publiques ou pas. Quand je dis on, c'est un on collectif, moi ce n'était pas forcément les préoccupations. Mais voilà, il y avait un peu, comme c'était nouveau pour beaucoup de collègues de s'intéresser à ces questions-là, il y avait ce truc-là. Et puis moi j'avais aussi eu l'inspiration de, quand j'étais à Toulouse, un collectif RESF qui marchait et qui faisait des petits déjeuners devant le lycée quand il y avait un élève qui avait une OQTF, et donc appeler à un rassemblement, à présence dans le tribunal, des choses comme ça. Donc je me suis dit, il y a un lien qui se fait, une publicisation des choses. Voilà, moi ce qui m'intéresse dans ce collectif, alors pour l'instant du coup, en effet on s'est formé sur des questions techniques et on fait des permanences de conseils aux élèves. C'est aussi l'idée d'en faire un collectif qui soit plus que ça, quoi. Ok. Et voilà, et donc pour la temporalité, donc, le cas de cet élève, c'était il y a un an et demi. En fin d'année dernière, on s'est dit, c'est vrai, il y a quelques... Donc, ok. En septembre, pas celui-là, mais celui d'avant, j'ai essayé de lancer l'idée de faire un collectif. Personne n'a répondu. 6 mois après, il y a quelques collègues qui avaient justement des problèmes de voyage scolaire et stages qui m'ont dit « Ah, ok, il faut qu'on fasse un truc, nanana. » Et du coup, en septembre, on a commencé à vraiment s'y mettre. Et voilà, et le temps de formation, tout ça, de mettre en place, de trouver des créneaux disponibles, des plannings, enfin, faire des affiches d'information, exister dans le lycée, envoyer des messages via Pronote, des choses comme ça. Faire une première réunion de présentation à tous les élèves qui étaient potentiellement, enfin, que ça intéressait, quoi. Ça, on a commencé les permanences là en janvier dernier. Ok. Et du coup, donc en gros, juste si jamais, admettons, il y a des personnels de l'éducation qui nous écoutent, on l'espère puisque c'est un des enjeux de l'émission, pour donc n'importe qui peut constituer ce genre de collectif dans son établissement. Et du coup, RESF, à défaut de rejoindre directement le réseau, ça peut être en gros une. Des gens à contacter pour avoir des ressources, se faire former. Toi, Quick, t'es membre d'RESF, non? Non, nous on n'est pas. Alors en fait, on travaille dans le lycée avec avec un collectif RESF, pareil, qui nous a. En fait, il y a un groupe de soutien aux élèves sans papiers au sein du lycée. Mais du coup, RSF c'est pas vraiment une association, c'est plutôt un rassemblement, enfin un collectif plus informel. Donc il y a pas, à ma connaissance, pas d'adhésion. Il me semble qu'ils ont. Ah peut-être. Alors, qu'il y a un... Bon, ils recrutent pas. En tout cas, ils sont pas très prosélytes. Ouais. Bref, c'est pas. Mais en tout cas, En tout cas, du coup, il y a un groupe, un collectif de, notamment, essentiellement des professeurs au sein du lycée dans lequel je travaille, qui travaillaient beaucoup avec RESF, qui leur envoyaient des élèves. Quand moi je suis arrivée, donc moi je suis arrivée sur le lycée en novembre, du coup j'ai rejoint ce collectif là, enfin ce groupe là, et RESF est venu donner une formation pareil un soir là juste avant les vacances de février pour former, faire un point sur le truc, et essayer de voir si du coup le groupe qu'on avait sur le lycée pouvait essayer de monter des permanences pour ces élèves là dans les faits, en fait, comme moi j'avais déjà une pratique sur, enfin un peu d'expérience sur les questions de droit au séjour, ce qui se passe actuellement c'est que les profs me les envoient les élèves. Ouais. Ça c'est le privilège de l'expertise. Mais bon, globalement, j'ai l'impression quand même que... Bon, moi, ça fait pas longtemps, du coup, que je suis prof dans le département, mais du coup, il y a l'interlycée qui s'est monté. Ça se fait toujours en lien avec l'assistante sociale. Enfin, c'est mieux si ça peut se faire en lien avec l'assistante sociale, quoi, en général. Oui. Enfin, s'il y en a une. Ouais. C'est pareil avec les CPE. Là, en lien avec les CPE aussi, qui connaissent parfois mieux les situations administratives des élèves, ou en lien avec les familles. Le proviseur, bon, il ne sert pas à grand chose, mais c'est bien d'avoir c'est pratique qu'il ne soit pas en opposition directement avec nous. C'est-à-dire qu'il nous laisse afficher dans le lycée, par exemple. Il nous laisse, après, le problème, c'est toujours la question de la formation. La formation des AS sur le droit des étrangers est. Légère. Inexistante. Moi, j'ai fait, du coup, quand j'ai fait ma formation, donc c'est 3 ans d'études pour être assistante sociale. Le droit des étrangers, c'était 4 heures. Voilà. Sur les 3 ans ? Oui. C'est léger. Mais notamment au sein du service social en faveur des élèves dans les DUCNAT, la question de la régularisation et du soutien aux élèves sans papier fait pas partie des missions et pas identifiée comme une des missions prioritaires du service social. Alors bien sûr que ça rentre dans la question de l'accompagnement social et du soutien de l'accès aux droits des élèves, mais en vrai. Moi, la plupart des collègues avec qui j'en ai discuté, elles m'ont toutes dit « Ah, mais c'est super, tu connais le truc, du coup, tu vas pouvoir nous former !» Bon, c'est... Et en fait, il y a pas mal de personnel, mais que ce soit les profs, les AS, etc., les les CPE, les proviseurs qui naviguent un peu à vue avec ces questions-là. Mmh. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est un taf. Oui. Mais l'avantage que vous avez, et ce qui est pratique d'avoir une assistante sociale qui s'intéresse à la question, c'est d'avoir un point officiel, disons, auquel les élèves peuvent avoir confiance, peut-être viennent plus facilement, et aussi un secret professionnel. Oui, en fait, ce qui n'est pas le cas. Nous, on le fait dans le cadre bénévole. Donc, c'est aussi, ça prend du temps d'expliquer aux élèves. Voilà, faut être clair avec les élèves sur le statut qu'on a et qu'est-ce qu'on fait, dans quel cadre on intervient. En fait, l'avantage de pour le moment, la question s'est pas trop posée. Mais par exemple, donc moi dans mon lycée, c'est moi qui garde les fiches de suivi et les infos des élèves dans mon armoire fermée à clé d'assistante sociale. Légalement, je suis soumise au secret professionnel et ça implique que les flics ne peuvent pas venir saisir mes dossiers. Il leur faut une commission rogatoire, une réquisition sur un truc particulier pour une raison particulière. Jusqu'à présent, les rafles d'étrangers n'est pas une raison suffisante pour venir fouiner dans mes dossiers. Ok. Inch'Allah, ça va durer. Inch'Allah. Et je voudrais rajouter un dernier. Quelque chose sur la question des collectifs locaux, sur le champ d'intervention. C'est-à-dire que souvent, la question de la régularisation, c'est un peu la priorité. C'est celui qu'on met le plus en avant, auquel on pense en premier. Mais sur le droit des étrangers, là, on se rend compte, on se pose des questions justement, nous, et j'ai l'impression que c'est une pratique qui se fait de faire d'autres choses, c'est-à-dire notamment le droit, les aider dans les démarches pour avoir accès à l'aide médicale d'État, ou en tout cas leur informer qu'ils ont droit, si ce n'est pas le cas, ce genre de choses. Ça paraît. Voilà, on n'y pense pas forcément, mais aussi, et on se rend compte de ça, beaucoup la question de l'orientation scolaire, parce que ça peut être plus ou moins... justement, ils arrivent à leur majorité, pas de titre de séjour, est-ce qu'ils peuvent faire des études, est-ce qu'ils peuvent pas faire des études. Alors la situation, elle est un peu complexe, elle évolue récemment, il y a un peu des recours différents, mais justement, on essaie de les accompagner dans ça, essayer de théoriquement, les universités n'ont pas à demander les titres de séjour. Il y a des pratiques, des retours que ça se fait ces derniers temps. Ça se conteste ou pas parce que ça prend du temps. Alors moi c'est parce que donc pendant hyper longtemps j'ai toujours dit aux gens t'as le droit de faire des études, c'est l'université et pas la police et elle n'a pas à contrôler le droit au séjour. Donc du coup, effectivement, récemment, j'ai eu des échos un peu différents, notamment par RESF qui disait il y a des universités qui commencent à contrôler et du coup c'est chiant et tout ça. Donc j'ai un peu, je suis un peu allée fouiner. Et en fait, il semblerait que effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des. Moi, les retours que j'ai eus plutôt des gens qui avaient eu des pratiques dans ce genre-là, c'est que ça peut arriver que les universités demandent un contrôle du droit au séjour, mais que a priori, majoritairement, leur envoyer un courrier en leur rappelant la loi avec les petits textes de jurisprudence en disant. Notamment, il y a une. J'ai trouvé une question à Valérie Pécresse en 2003. Elle sévissait déjà comme ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, où il lui avait été rappelé que les facs n'étaient pas les préfectures et que donc ça ne pouvait pas être. Un motif de non-inscription et que du coup à partir du moment où t'as un document d'identité et la question de ton droit au séjour elle se pose pas et que plutôt on régularise derrière avec des titres étudiants qui sont des titres pourris qui restent des titres de séjour et il semblerait que plutôt la pratique c'est que quand les facs elles font chier leur renvoyer un petit message avec deux trois textes de loi en leur rappelant le code de l'éducation en majorité ça suffit. Après moi ce que je dis que je dis aux élèves actuellement c'est plutôt faites les vœux que vous voulez. Mettez un BTS au cas où parce que du coup dans les lycées ils contrôlent beaucoup moins tendanciellement. Voilà, mais oui, mais donc je voulais parler de cette question-là parce que ça agite beaucoup ces derniers temps. Et moi, je les découvre cette année parce que c'est la première année qu'on fait des permanences où on accompagne directement des cas individuels. Et je pense que ça pose des questions parce que justement, RSF, ils nous ont dit ah, dirigez-les plutôt vers BTS et tout ça. Bah, sauf que c'est parce qu'on a peur, parce que c'est trop compliqué. Enfin, ça demande peut-être plus de suivi, plus de. On se met à appliquer les catégories, enfin, à les orienter vers des études qui les intéressent moins, qui leur correspondent pas. Moi, je trouve ça assez. Enfin, si je comprends la méfiance, la peur, parce que c'est des situations qui peuvent amener. Enfin, ça peut amener des situations très compliquées et notamment bah, de plus avoir des. Enfin, s'ils se retrouvent refusés partout. Donc, nous, ce qu'on leur conseille, nous, pour l'instant, c'est de diversifier leurs demandes, voilà, et faire ça et naviguer. Enfin, d'être prêt à changer si jamais la situation se dégrade, si jamais ça marche pas, s'il y a jamais un blocage, mais que voilà, c'est important aussi de dire de pas mettre un frein avant le frein officiel, quoi. Oui, oui, bah, et puis de pas encourager l'autocensure, quoi. Mmh. Surtout sur ces questions-là. Et voilà. Et un dernier point, oui, donc je fais plein de derniers points. Non, mais s'il y avait une liste, et, je voulais, et là, la question des études, on a tiré le fil un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais voilà, aussi dans les situations qu'on se retrouve à accompagner, bah, c'est les questions de la famille qu'il y a autour aussi, parce que souvent, le droit au séjour d'un élève, il est conditionné, lié à ce qui se passe dans sa famille. C'est-à-dire que, est-ce que c'est plus facile de régulariser ses parents parce que ils sont là depuis plus longtemps et puis lui arrive après, et du coup, ses parents, donc lui, enfin, ou l'inverse, ou voilà, ou grand frère, enfin. Grand frère, donc, enfin voilà, il faut donc, bon, j'ai pas trop d'exemples précis à donner maintenant, mais voilà, on nous a dit, et de fait, on remarque que comprendre la situation familiale des élèves, ça aide à aller mieux les accompagner, et parfois, bah, c'est la situation, mais même si j'ai un exemple là récemment de où c'est le père de l'élève qui avait des risques de recevoir une OQTF, finalement, ça c'est pas, il avait des problèmes avec la police, quoi, ça s'est bien passé, mais du coup, là, enfin, là, les élèves viennent aussi nous voir pour leurs problèmes de famille, parce que ça a des conséquences sur eux directement, c'est-à-dire que si leur famille se retrouve, enfin, si leurs parents se retrouvent sous le coup d'une OQTF, bah, ça les concerne. Et là, du coup, depuis que vous avez lancé l'antenne, le collectif dans ton lycée, vous avez des gens toutes les semaines qui viennent aux permanences à peu près Oui. Enfin, pour donner une idée un peu de quelle proportion ça peut représenter, enfin, quels effectifs ça peut représenter, quoi. On a un très gros lycée, donc on a 2500 élèves. On a fait une réunion de présentation, on était une trentaine d'élèves, mais il n'y avait pas d'élèves du bac, enfin très peu d'élèves du bac pro parce qu'ils étaient en stage à ce moment-là, enfin pour beaucoup de sections. Mais je pense que, au total, c'est dur d'estimer le nombre d'élèves qui. Je dirais au moins une soixantaine, qui est une cinquantaine. Après, donc là, on se concentre d'abord sur ceux qui ont plus de 18 ans. Pour l'instant, on n'avait reçu que eux. Et voilà, donc chaque permanence, du coup, on a pris leur contact, enfin ceux qui étaient venus à la réunion, on a pris leur contact, et ceux qu'on a eu, qui nous ont contactés par ailleurs aussi, et on leur donnait des rendez-vous pour éviter de surcharger qu'ils viennent tous à la première réunion, aux premières permanences. Du coup, on a échelonné, et ça nous a tenu la première période jusqu'aux vacances précédentes. Là, on commence à en revoir certains parce que, bah, y a des situations justement bah, Parcoursup qui arrivent, fin des échéances, donc y a besoin d'accompagnement précis. Et après, on va essayer de recontacter. Donc, mais oui, chaque permanence, les premières semaines, comme justement, on était un peu débordé de beaucoup de trucs. On se dit, ah, ça, tout est urgent au début. Enfin, pas tout est urgent, mais il y a beaucoup de trucs urgents. Donc, on avait fait des permanences de 2 heures, mais sinon, on essaie de faire des permanences d'une demi-heure, enfin, deux fois une demi-heure. Une fois par semaine. Oui, tu disais, vous concentrez sur les élèves majeurs. Alors, moi, j'ai pas du tout poncé les J-France. J'ai toujours trop du mal à tout capter, mais. Mineurs, les élèves sont censés être pris en charge par l'ASE s'ils sont isolés. Alors, en fait, c'est qu'ils sont pas isolés. Enfin, beaucoup sont pas isolés. Oui, c'est pas la plupart sont nous, pas isolés, oui, en fait. Dans mon lycée, en tout cas, après, je pense que. Non, la majorité, enfin, en tout cas, au lycée. Parce que la réalité, c'est que les mineurs isolés, qui sont pas reconnus, galèrent à être scolarisés tant qu'ils sont pas pris en charge par l'ASE. Donc du coup on en a très peu sur les établissements parce qu'ils sont à Pont-Marie. Et oui, et bien ça nous fait une transition de toute façon, je pense, pour la suite où on va parler juste en plus des mobilisations collectives qu'on peut mener dans notre département et puis à l'échelle de l'Île-de-France plus largement. On fait une petite pause musicale avant. Avec plaisir. Du coup, il y a un autre pays qui a une politique migratoire qui fait pas mal parler ces derniers temps, c'est nos amis les États-Unis. Et du coup, on a Justement, après la première élection de Trump en 2017, il y a un groupe qui s'appelle The Muslims qui s'est créé. Donc, c'est des personnes qui viennent de Caroline du Nord. Et donc, c'est un groupe de punk anti-Trump musulman. Et on va écouter Sula Sula. C'est ça. Sur Radio Libertaire. Fréquence 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et vous écoutez l'émission du STE 93, à savoir travailleurs et travailleuses de l'éducation de Seine-Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Syndicat affilié à la Confédération nationale du travail. Ce jingle ne finira jamais. Ce lancement était interminable, mais il était coordonné. Donc on revient toujours dans notre émission sur la question du droit des étrangers. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de trouver des moyens de se détendre, puisque vous avez compris, c'est quand même l'AD globalement, enfin si vous n'étiez pas au courant. Donc là, on a parlé de comment on pouvait agir dans nos lycées globalement. Et là, on va peut-être revenir d'une manière un peu plus large sur comment on peut agir collectivement à l'échelle du département, justement sur cette question du droit des étrangers, et puis en particulier pour nous autres travailleuses de l'éducation, le droit de nos élèves sans papier. Oui. Tout à fait. Là, il y a une, ces derniers temps, notamment depuis la circulaire Retailleau, il me semble que c'est un peu une des suites de ça, dans le sens où les abolitions exceptionnelles de séjour marchaient beaucoup moins bien. Il y avait beaucoup de collectifs, justement, dans différents lycées qui se retrouvaient impuissants. Ça date d'avant la circulaire, en vrai, parce que... Moi, j'ai fait des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en 2023. Il y avait déjà 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous préf. Mais là, ils disent... Pas... Ouais. Et en fait, les collectifs se sont montés aussi à ce niveau-là. Enfin, je pense que ça fait plus longtemps que... Ok, mais en tout cas, ouais. Je sais pas. Peut-être dans l'éducation, les profs sont un peu lents à se mobiliser, souvent. Ouais. Comme, non, mais il y a des collectifs qui existaient dans... En tout cas, il y a eu des appels à réunion interlycée en disant on n'arrive plus à régulariser... Aucun de nos dossiers ne passe. C'était ça ce qui se passait. Parce que, oui, il y a déjà des gens qui se coordonnaient via RESF, par exemple, mais il y a eu un truc de... Là, en ce moment, la situation, on est bloqué. Notamment, c'était... Il me semble que c'est le lycée... à un lycée à Saint-Denis, un lycée pro principalement, exclusivement, je ne sais plus. Paul-Éluard, peut-être ? Non. Qui a un nom qui m'étonne à chaque fois, mais j'ai oublié. Et qui avait plusieurs élèves avec une OQTF, et du coup, voulait faire des rassemblements devant la préfecture. En discutant autour d'eux, vous voyez que ce n'était pas les seuls à avoir des grosses difficultés. Et donc, du coup, a appelé à des réunions publiques auxquelles une grosse dizaine d'établissements, lycées, ont participé. Qui a débouché sur une première journée d'appel à la grève et à manifestation en novembre. Il me semble vers le 13, 18, je ne sais plus. C'était un mercredi. Parce que donc il y avait un peu une. Donc les réunions sont faites en octobre, je crois que ça s'est commencé. Il y avait les vacances, on laissait un peu ça. Mais ça s'est fait assez rapidement parce qu'il y avait justement des situations individuelles un peu pressantes. Et donc du coup c'était rassemblement. Enfin j'ai dit manifestation, mais c'était rassemblement devant la préfecture. Derrière la préfecture. Derrière la préfecture. Ouais. En raison de travaux et de la préfecture. Et d'un rapport de force qui était en train de se construire. Qui ne pouvait qu'augmenter. Non, mais qui était. Que t'as un petit rassemblement, mais. Voilà. Suite à ça, qui a quand même attiré un peu l'attention, enfin, qui a attiré la gauche habituelle, enfin, je parlais des syndicats, les différents syndicats, quelques partis. Tout en restant, pour le coup, enfin, un rassemblement de la base, entre guillemets, enfin, un truc vraiment de collectif de travailleurs. Oui, c'est tenté que nous sommes la base, si tu veux. Oui, mais... c'est... oui, oui. Non, mais c'était globalement très militant, mais oui, oui. Enfin, j'ai l'impression. Mais bon, ça, c'est une première initiative qui a le mérite d'exister et qui. Et il y avait des élèves. Enfin, il y avait aussi quelques élèves qui étaient présents, assez peu, mais voilà, notamment dans les élèves, dans les établissements. Dans l'établissement où c'était le plus compliqué. Et suite à ça, il y a une deuxième date qui a été appelée. En janvier, peut-être le 13 janvier ou un truc comme ça. J'ai envie de dire 13 aussi. Enfin, c'était un mercredi. Non, c'était un vendredi cette fois. C'était un vendredi, oui. C'était en fin de semaine. C'était 13 janvier, tout à fait. Oui, c'était peu de temps avant les vacances, une semaine avant. Et donc voilà, 13 janvier, qui était pour cette fois-ci une manifestation. Comment ? 13 janvier, c'était pas 13, juste... 13 février. C'était, février. C'était 13 février. D'accord, oui. Pardon, et c'était et donc 13 février, manifestation pour cette fois-ci, qui partait de la DSDVN, donc direction sous-départementale de l'éducation nationale, enfin voilà, direction des services, en tout cas un truc de département. L'échelle départementale de l'académie, se dirigeait vers la préfecture. Alors c'était. Bon, c'était une manif sympathique, pas non plus hyper massive, mais qui était sous la pluie, si je me souviens bien. Voilà, je vois au bocal qu'on me dit que c'était pas si sympathique que ça. Voilà, je me suis rappelé de la pluie, je l'avais oublié parce que voilà, il y avait quelques petits slogans sympas, c'était pas non plus. Voilà, c'était une petite déambulation, mais voilà, donc c'est un peu timide. Mais ça existe, c'est une volonté de coordination, il y a une préoccupation. C'était plus gros que la première date ou pas ? Oui, oui, c'était un peu plus gros que la première date. Ouais. Notamment, enfin oui, c'est sûr que c'est plus gros. Et du coup, est-ce que dans les tuyaux, il y a l'idée de refaire des journées de mobilisation comme ça ? Enfin, est-ce que toi, t'en sais plus ou a priori, pour l'instant, ça en parle pas trop ? Oui, il y a des réunions de préparation d'autres choses. Après, voilà, donc il y a aussi... alors ça, je dis ça, mais là, des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des comptes qui veulent partager des... Enfin, il y a un compte Instagram qui a été créé où ils partagent des informations, des témoignages, des choses comme ça, anonymisés un peu, pour voilà, préserver l'intimité des élèves. Mais alors là, je dis ça et là, je me dis, ah, ça serait bien si j'avais le compte à dire, parce que voilà, mais sauf que je sais pas. Un peu de relais journalier, il me semble qu'il y a eu voilà, un peu de relais médiatique de ces quelques mobilisations. Et donc pour la suite, oui, il y a une volonté de continuer, de s'inscrire un peu dans le temps, tant qu'il n'y a pas de réponse enfin voilà, que la situation n'évolue pas. Enfin, donc les questions des revendications, c'est que c'était déjà l'abrogation des circulaires Retailleau et de loi Darmanin, la régularisation pour tous. En gros, il y a différents types de revendications, quoi. Il y a revendication des papiers pour tous. Et concrètement, comment on peut aller vers ça, même si c'est pas ça directement, la même chose, même si on sait que c'est pas la même chose, demander quelques changements législatifs. Voilà. Mais il y a aussi un intérêt de ces mobilisations, je trouve, en tant que syndicaliste, on va dire, c'est de. T'en parles aux collègues, quoi, tu leur dis, on n'est pas tout seul. Je veux dire, on a monté un collectif, un collectif dans le lycée, on en parle en salle des profs, on dit, parler du collectif en salle des profs, surtout quand ils viennent commencer, on peut dire, on vient de commencer, on a fait une réunion publique, et après, on suit un peu des cas individuels, on se retrouve un peu à nouveau enfermé dans dans le travail un peu quotidien, enfin pas quotidien, parce que ça, sur le long terme. Et qu'on peut pas, qui concerne pas tout le monde. Et la question, justement, de ce temps plus collectif, même si tout le monde ne vient pas du lycée, je suis dans un lycée, justement, peut-être, comme le collectif est un peu nouveau, peut-être c'est. On n'est pas non plus beaucoup à être venus à ces mobilisations. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres où ça a vraiment pris. Ils ont vraiment fait des journées de grève. Nous, on était 3-4 du lycée à être venus cette fois-ci. 2 la première fois, 4 cette fois-ci. Donc ça double à chaque fois. Ça va exploser. Dans le lycée où c'est plus, plus installé, où les gens se sentent plus impliqués, il y a eu des vrais piquets de grève. Le matin, un tractage devant le lycée. Mais en tout cas, même si on n'en est pas là dans mon établissement, on en discute, on en a dans la formation syndicale. C'est une question qui, ça fait réfléchir les gens. Peut-être, je pense que c'est aussi un travail qui se fait sur le long terme. Et que je pense que c'est important aussi de pas s'enfermer dans un truc, de se séparer du reste des collègues. Oui, déjà que c'est un peu une niche, la partie des collègues, en gros, qui s'intéressent à la question et qui s'y impliquent activement. Oui, justement, c'est ce groupe-là que je veux pas qu'il vienne. Il est un peu, de fait, il est niche, mais justement, comment trouver des temps où ça peut intéresser d'autres gens, en discuter avec d'autres gens. Et souvent, c'est dans la formation syndicale, mais même en salle des profs, du coup, tu mets des affiches, tu mets des tracts, ça... Ouais. Mais toi, là, c'est une vraie question, parce que moi, par exemple, la première journée de grève, j'avais imprimé à balles d'affiches, j'avais collé partout dans le lycée, j'avais été voir les AED, j'avais été voir les agentes. J'étais seul en grève à la fin, comme souvent, quoi. Et j'ai l'impression que ce travail de tractage, d'affichage et tout, il n'était pas spécialement efficace. Toi, tu as l'impression que dans ton lycée, alors peut-être aussi que moi j'ai un lycée où il y a moins de cas qui se posent globalement d'élèves sans papier, est-ce que toi tu as l'impression justement que tu arrives à rameuter plus de collègues petit à petit comme ça, que tu sens en tout cas un intérêt qui monte à l'échelle du lycée, quoi? Je sens qu'il y a un an et demi, quand j'avais dit, c'était il y a 2 ans qu'il y avait l'histoire de l'élève qui se retrouve à la rue. Un an et demi, j'ai dit, on fait un collectif, ça ne va pas de se retrouver un peu comme des cons. Et personne répond. 6 mois après, un an après, ça a résonné. Après, j'ai réévoqué le sujet de temps en temps. Quand justement, il y avait les circulaires au TE, j'ai dit, en ce moment, il y a ça qui se passe, il y a des gens qui se bougent. Je sais pas. Maintenant, on est 7-8 à être intéressé, à faire des permanences, une quinzaine à être intéressé à être sur une liste mail, à suivre un peu ce qui se passe. Et des gens qui ne sont ni dans la liste mail, machin, parfois viennent me voir. On en discute un peu. Après, se mobiliser, c'est pas. Il faut pas attendre des profs. Je m'attends pas. Mais comme, en fait, sur rien. En même temps, je sais pas sur qu'est-ce qui va un jour prendre comme. Disons, je le fais. Je pense que c'est un sujet qui est important en soi et qui mérite d'y consacrer du temps. Ça mobilisera ou pas les collègues un jour, j'en sais rien. Et je pense qu'on ne peut pas trop savoir qu'est-ce qui mobilise. Enfin, on ne peut pas trop savoir. Voilà. Et des choses, on peut espérer que des choses. Ouais. Je sais pas. Oui, bon, de toute façon, ça, c'est la solitude du militant syndical en salle des profs qui se demande bien comment faire. Et puis, bon, voilà, quoi. Mais Toi, Quick, dans ton lycée, ça, du coup, ça se mobilise pas mal sur cette question? Bah, en fait, ça se mobilise plutôt sur... alors, moi, j'ai pas eu connaissance de mobilisation plus collective et plus générale. Il y a le groupe de profs qui est dans le... Donc, le groupe de soutien aux élèves sans papier. Est assez actif, attentif. Il repère pas mal les élèves concernés. Parfois, ils sont un peu démunis sur le quoi faire, parce que par manque de formation, parce que par manque de temps aussi, parce que en fait, c'est des démarches qui sont longues. Mais du coup, on a, enfin, j'ai pas connaissance, en tout cas depuis que je suis arrivée, de mobilisation. Alors, il y avait eu les infos sur les mobilisations devant la préfecture, etc., qui étaient passées. Je suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de collègues qui soient allés, j'en sais rien en vrai. Parce que du coup. J'en ai vu quelques-uns. T'en as vu, ouais. Ouais, les habituels. Okay. Mmh. Bah, en fait, le truc, c'est que. Ouais. Après, je connais pas les pas habituels, donc peut-être qu'ils étaient là aussi, oui, voilà. Je les connais pas. Mais en fait, les mobilisations, comme c'était le vendredi, moi, je travaille sur mon autre emploi. Et je ne pouvais pas me mettre en grève. Oui. Genre, le donc, préavis ne couvrait pas. J'ai été pas là. Voilà. Mmh. Mais par contre, c'est un truc qui, au-delà de la question politique générale, qui est hyper importante, mais qui peut être aussi portée, enfin, et qui, à mon sens, devrait être portée en lien avec d'autres collectifs, parce qu'en fait, des collectifs qui se mobilisent pour l'abolition des frontières, enfin, il y en a pas qu'un. Mais du coup, c'est souvent beaucoup de petits collectifs avec des surtout des spécialités aussi liées à la complexité des situations et du droit. Mais de où les gens se rencontrent aussi, sur quelle base, parce que oui, nous on les rencontre dans le cadre de l'éducation, enfin, ouais. C'est par ça, c'est un ancrage un peu local, les chefs d'une ville souvent, parce que y a une scolarité qui se fait à un même endroit ou des choses comme ça. Mais je pense aussi, moi, ce qu'il y avait peut-être, ce que je transmettais aussi comme info aussi, par exemple, c'est qu'il y avait un collectif combat pour l'hébergement qui était des jeunes mères qui se retrouvaient à la rue en Seine-Saint-Denis, qui s'étaient retrouvées toutes dans un même hôpital, enfin bien un même hôpital, puisqu'elles se retrouvaient à la maternité, elles accouchaient dans la maternité, et ils faisaient, enfin c'est l'hiver, elles vont pas se retrouver à la rue, elles n'ont pas de solution d'hébergement, l'hôpital ne les laissait, enfin les gardait, les laissait rester dans l'hôpital, et elles vivaient dans l'hôpital pendant quelques temps, jusqu'à un moment où c'était plus possible, mais. Elles sont connues comme ça, elles se sont connues et donc du coup elles ont fait un collectif pour demander hébergement qu'elles ont et titre de séjour et choses comme ça, et scolarité pour les enfants, enfin crèche, enfin voilà, différentes démarches, et donc il y avait des trucs avec la préfecture pour la régularisation après. Mais... Oui, oui, mais du coup, enfin, c'est aussi voilà, en fonction de où est-ce que tu milites et tout ça, où tu finis par. Mais du coup, c'est vrai que c'est plein de petites luttes qui sont éclatées et qui gagneraient à être plus en lien, quoi. Mmh. Mais en tout cas, au-delà de la question politique générale, le fait de se mobiliser, enfin que quand les écoles, les lycées, les établissements se mobilisent pour des élèves. Sur la question des titres de séjour et tout ça, ça a quand même un impact sur les décisions, mine de rien, sur les décisions des préfectures, et ça peut aider en fait donc ça vaut toujours le coup d'essayer de se battre un peu pour ces élèves, même si c'est épuisant. Et ça a un impact aussi sur les élèves, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pour, oui, moi, c'est aussi pour les élèves, que, bien sûr. Qu'ils soient concernés ou pas par la situation. Bon, je sais pas, c'est pas l'habitude forcément de tout le monde, mais moi, je me mets en grève, je leur dis, je serai pas là tel jour, je serai en grève. Pourquoi ? Pour ci, pour ça. Dans les grandes lignes, je leur donne pas le tract. Hein. Enfin, quoique, si on fait une piquette de grève, voilà, on peut tracter devant le lycée. Mais en tout cas, à mes élèves, personnellement, je leur en parle. Et puis, je pense... Ou même juste le fait d'avoir un collectif, on en envoie des mails, des messages sur le pronom de l'unité, ils voient. Le fait d'exister, même si parfois on peut se sentir un peu démuni d'affirmer, de porter cette parole là, de dire c'est pas enfin ça ne va pas les frontières, c'est impossible. Tout le monde le dit pas dans ces termes là, mais en tout cas même on recycle dans mon collectif quasiment, mais voilà, je pense que c'est important et c'est salutaire pour les élèves aussi de sentir qu'on s'intéresse à eux, pas que en tant que personnes qui doivent apprendre des trucs, mais aussi voilà, en général je pense que c'est un rapport aux élèves qu'on doit avoir, mais particulièrement sur cette question là je pense que c'est intéressant. Oui, et puis de sentir qu'ils ont au moins un endroit où ils peuvent être écoutés, reçus et essayer de comprendre ensemble les méandres de l'administration française, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la question du séjour, mais pas que, parce que c'est pas parce que t'as pas de titre de séjour que t'as zéro droit sur le territoire français et que ça vaut toujours le coup de nous réclamer ce à quoi t'as droit. Parce que le plus gros problème de l'AME, c'est quand même le non-recours, plus que le fait que ça coûte cher. Est-ce qu'on fait une pause musicale maintenant, ou est-ce qu'on parle d'abord des mobilisations en cours hors éduc? Bon, on peut se faire une petite pause musicale. Ouais, on peut s'écouter Nueva Yol de Bad Bunny. Bon, je ne vous le présente pas beaucoup, je pense que vous en avez entendu parler ces derniers temps, surtout depuis qu'il a fait le Super Bowl. Mais voilà, c'est des prises de position qu'on peut au moins trouver correctes. Bonne écoute sur Radio Libertaire 89.4. Ouais, Radio! ¿Quieres divertir? Otra vez lo sacamos al estadio. Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Lo tienes que mover, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Et de retour sur Radio Libertaire 89.4. La radio de la Fédération anarchiste. Et ce soir, c'est l'émission de la CNT Éducation 93. syndicat des travailleuses de l'éducation de Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Tout à fait, tu connais tes départements. Bravo, Quick. On va continuer à voir la question un peu plus largement. Donc, notamment bah, sur. Nous, en tant que syndicat, on a été confrontés, enfin, en lien avec des jeunes qui ne sont pas scolarisés, parce que les camarades de la Bourse du Travail de Bervilliers, avec lesquels on se retrouve à partager des locaux parfois, étaient assez impliqués dans l'accompagnement des jeunes qui se trouvaient à la trotteuse, donc des jeunes non accompagnés, non reconnus comme mineurs parfois, enfin souvent, qui étaient avant dans un collectif, enfin qui faisait partie du collectif des mineurs de Belleville, connu sous ce nom-là, et qui a occupé la Gaîté Lyrique, donc qui a été un peu un moment médiatique un peu important de l'année dernière. C'était à peu près il y a un an, il me semble. Et d'intervention, de revendication assez collective et assez forte de ce qu'on peut espérer des initiatives qu'on trouve intéressantes à rejoindre. Même pendant l'occupation, on était plusieurs à être passés individuellement. Et des camarades du syndicat de Paris, je crois, avaient suivi un peu plus, mais ils ne sont pas ici aujourd'hui. Oui. Globalement, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça a été un moment qui a beaucoup frappé médiatiquement l'an dernier, et globalement, cette question quand même du droit des étrangers en France, c'est une question qui... Alors, du fait aussi du durcissement des politiques, j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus de place. En tout cas, c'est un sujet de plus en plus important pour la gauche au sens large. Alors, l'immigration, c'est un sujet très important pour la droite depuis très très longtemps. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des grands moments. Il y a eu le campement à République avec les tentes qui se font défoncer par des CRS. Il y a eu, d'une manière générale, Calais. Et j'ai l'impression que la Gaîté Lyrique, c'est un de ces moments qui, médiatiquement, a choqué une partie des gens. Dans le sens, c'est la situation des jeunes ? À la fois j'ai l'impression que, à la fois la situation, le fait, effectivement, d'avoir des mineurs, non scolarisés, sur le sol français, non logés non plus, hein. À la base, c'était quand même la question du... comme tu as dit tout à l'heure, c'est deux questions qui sont liées, en fait, qui sont la question d'avoir des conditions d'existence, d'être réellement installé, sur un territoire. Liberté d'installation. Mais j'ai l'impression aussi que, même en termes d'image, ça a été une expulsion ultra-violente, et qui a été filmé, qui a été relayé, j'ai l'impression qu'il a frappé, qui a frappé chez les gens qui ont accès à ce genre de boucle-là, mais j'ai l'impression que ça participe au fait que cette question migratoire, en tout cas dans la gauche radicale, aujourd'hui c'est quand même une des questions principales, Dans Electra-Porte aussi était venu plusieurs reprises. tout à fait, Mais la gauche au sens large, je me dis pas si large que ça. C'est la mairie de Paris, c'est le PS. Ah de toute façon. Et c'était eux qui refusaient de donner des places d'hébergement, alors que c'était leur champ d'intervention. On va dire gauche radicale, effectivement. si on arrive sur les contradictions du PS, on peut aller loin. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça a pris cette ampleur-là. Très bien, mais... alors que, justement, le collectif des mineurs de Belleville existe depuis plusieurs années. Et justement, ils ont fait plusieurs occupations avant, la maison des métallos, l'occupation de la maison de l'air, et à chaque fois avec une même stratégie qui est assez intéressante. Le collectif existe toujours, parce que c'est aussi des personnes qui se renouvellent, c'est des gens qui s'en sortent grâce à ça. C'est de l'action qui marche aussi, et je pense que c'est important de le dire. Même parce qu'il y a des choses dures dans ces situations-là. Et après, je suis pas sûr de 10 ans ce qui se passe après pour les gens, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont gagnées avec cette stratégie d'action directe qu'on peut que saluer. Et soutenir. Et participer. Et participer. Il y a quelques temps, hein, s'il y a des collègues toujours travailleuses de l'éduc qui nous écoutent, hein, les camarades de la BT d'Aubervilliers avaient fait une cagnotte justement pour une partie des, en l'occurrence pour les MNA de la Trotteuse, et avec un mail type pour faire des collectes dans les lycées, hein, donc ça doit pouvoir se retrouver assez facilement sur internet, hein, pour n'hésitez pas à activer vos lycées, vos boucles mail de salle des profs en envoyant justement ce mail type pour faire des collectes. Si c'est encore d'actualité, il est vrai qu'on n'a pas vérifié avant l'émission. Mais tu vois, j'ai l'impression quand même que cette expulsion, c'était... Enfin, il y a eu ça, il y a eu les rafles dans la même... les rafles organisées par Darmanin la même année, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs événements qui ont particulièrement choqué, y compris des gens qui s'intéressaient pas tant que ça avant à la question. Enfin, ça, peut-être on peut revenir sur ce truc des rafles. Parce que aussi, eux cherchaient à faire un coup médiatique, ils ont cherché à attirer l'attention sur ça, sur l'endurcissement, parce que dans la pratique, c'était une journée d'intervention, mais... Je crois pas qu'il y ait eu de grande... Enfin, aussi parce que les gens se sont préparés et ne sont moins sortis. Mais... Ça n'a pas été un avant et un après, quoi. C'est pas été du jour au lendemain, les choses ont grandement basculé. Non, c'était essentiellement de l'affichage. Ça a duré... En fait, dans mes souvenirs, ça a duré 2 jours, en vrai. Parce que le lendemain, c'était toujours un peu... Enfin, il y avait encore beaucoup de présence dans, dans les grandes gares. En vrai, c'était vraiment purement de l'affichage et de la drague lourde à l'extrême droite. Sauf que le problème, bah, c'est que ça a des impacts considérables sur les gens qui ont fait l'objet de ces contrôles et de ces rafles. Voilà. Donc, enfin, et notamment, en fait, nous, on a vu revenir des personnes qui avaient été arrêtées, contrôlées à ce moment-là, envoyées en CRA et qui reviennent maintenant, parce que du coup, bon, en fait. Il y a quand même un truc un peu pragmatique dans l'expulsion des gens pour que la France puisse renvoyer des personnes dans leur pays. En fait, il faut qu'ils obtiennent un laissez-passer, que le pays accepte de récupérer les gens. Bon, c'est pas toujours le cas, donc en fait, les gens, ils font 90 jours de tôle gratuite et puis après, ils ressortent parce que les autorités françaises n'ont pas été capables d'obtenir un laissez-passer. Et donc, en fait, c'est juste de l'enfermement pendant 90 jours. Et puis après, du coup, tu repars à la rue jusqu'à la prochaine, quoi. Ouais. Donc, c'est particulièrement inhumain. Enfin, je sais pas. Mais. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans cette... Là, j'y pense en discutant, puis je savais en préparant l'émission, mais je veux dire, là, on parle d'écran, on en a assez peu parlé justement du processus d'expulsion et de comment on en arrive là. Donc, il peut arriver par interpellation dans la rue, par les transports, justement, et ce qui avait été beaucoup le cas, justement, dans les moments des rafles, c'était les gares qui a été très marquée par une présence policière très forte, et aussi de mobilisation à cet endroit-là, de camarades. Et que voilà, mais justement, c'est les maillons. Enfin, c'est intéressant de réfléchir à quels sont les maillons, les étapes par lesquelles l'expulsion se fait. Les transports, c'est un point important. Et les CRA, on en a assez peu parlé aussi. Voilà, de leur fonctionnement, des différentes étapes, de le lien CRA prison, le lien CRA plein de choses. Il y a d'ailleurs une très bonne émission sur les CRA de Carapatage, qui est aussi sur Radio Libertaire, qui date un peu, puisque je crois que c'est 2022, mais qui parle aussi beaucoup, parce que c'était à l'époque, c'était encore la crise sanitaire, et comment ça se passait à l'époque, avec les spécificités du Covid, mais des fonctionnements du CRA en général, et c'est assez intéressant, je vous la recommande chaudement. Puisque j'en suis à faire des recommandations, je voudrais parler rapidement. Enfin, si on s'intéresse à justement, quel est le processus de l'expulsion et comment l'enrayer, il y a un livre assez intéressant qui s'appelle Liberté pour tous, avec ou sans papier, qui s'appelle, sous-titré Une lutte contre la machine à expulser, Paris 2006-2011. Voilà, donc c'est des anarchistes qui ont fait des choses à cette époque-là, et donc c'est des compilations de textes, d'affiches de l'époque, avec un peu de contextualisation et de. Sur la réflexion de la stratégie de l'époque. donc plus autonome que nous, mais intéressant, je pense, quand même à lire. On arrive bientôt à la fin de l'émission, mais du coup on va pouvoir rapidement aller sur l'agenda, les prochaines dates qu'on a relevées en tout cas dans les prochaines semaines. Alors ça commence samedi prochain, samedi 14 mars, avec un appel national de la Marche des Solidarités, hein, donc on reste très clairement dans le thème de l'émission de toute façon. Donc un appel à une mobilisation d'envergure nationale antifasciste et antiraciste. Alors il y a des rassemblements dans la plupart des grandes villes de France. Alors à Paris, je ne suis pas sûr que le lieu de rassemblement soit déjà sorti. Ça va sans doute être un lieu habituel, genre République. mais voilà, et si jamais il y a des auditeurices pas de région parisienne, n'hésitez pas à aller sur le site de la Marche des Solidarités, il me semble, où ils doivent avoir répertorié tous les lieux de rassemblement. Le samedi d'après, le samedi 21 mars, il y a la marche Justice pour Naël à Nanterre, donc ça c'est à 14h. Pour rappel, le policier qui a assassiné Naël hein, a vu les peines d'homicide volontaire n'ont pas été retenues, hein, il sera jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà, ce qui semble évident pour un tir à bout portant en plein dans le caisson. Le mois de mars se terminera avec la semaine du 22 au 29 mars, la semaine anticoloniale à laquelle la CNT Région Parisienne participe à l'organisation. Hein, donc c'est une semaine d'événements dans divers lieux de Paris qui se conclut par le salon anticolonial à la Parole Errante à Montreuil. Les samedis et dimanches, je crois. Et pour préciser, le rendez-vous pour la marche des solidarités, c'est ce samedi à 14h à la place de la Nation. Très bien, ce sera donc Nation et ça va à Répu ? L'article ne le dit pas. Suspense. Suspense. Bon. Et on va conclure cette émission en musique. Les frontières tuent, liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous, personne n'est illégal et seule la lutte paye. Et vive la France. Non. Alors, vive la France, non, justement. Et pour conclure cette émission, puisque. La chanson, la France. Enfin, mais oui, voilà. Alors, parle-nous de la chanson La France, Léonard. Ouais, c'est Sniper, un groupe de rap des fin de siècle, fin de millénaire. Début millénaire, oui, c'est ça, 2001. Début des années 2000. Voilà, c'est une des plus grosses polémiques du rap français, le morceau La France. Ils ont même dû sortir un deuxième morceau qui s'appelle La France, itinéraire d'une polémique ou un truc comme ça. Okay. Ouais, ça a été un énorme scandale. Bah, c'était Sarko qui a été ministre de l'Intérieur, je crois. C'est un des grands cas politique rap à l'époque où ça attaquait à tout va les rappeurs. on écoute ça et puis on vous revoit mardi, le deuxième mardi du mois prochain pour notre prochaine émission de radio. Il me semble que c'est le 14 avril. Nous considèrent en tant que citoyens, non en tant que chiens. La France nous ronge à un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Ouais. Législation conçue pour nous descendre vers derrière les barreaux. Et maintenant, ils penseraient qu'on pourrait se rendre. On n'est pas dupes, en plus, ouais. On est tout chaud pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, ça sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre. Et brûler des voitures, un putain système haineux, cramé. Mais après tout, ça avance pas. Et je sais que ça les arrange si on se bouffe entre nous. Soi-disant démocratie, soi-disant. Aux yeux d'un peuple endormi, efféminé, Jaimei Saad Blé. Les droits de l'homme, franchement, où ils sont passés, faut faire en somme que ça change et que les frères cessent d'être chassés. En charter, c'est nos frères qui chartèrent, rapatriement, et maintenant la haine coule dans nos artères. Nous faire taire, franchement, ça serait impossible quand on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est nous qu'ils prennent pour cible. La France est une guerre, c'est on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bien ce qu'on a. système nous marche dessus, nous on baisse pas la tête. On n'est pas prêts de s'avouer vaincus, des frères béton, tous victimes de trahison. De façon, s'il y aurait pas de balance, il y aurait personne en prison. La délinquance augmente, même les plus jeunes s'y mettent, pètent des bus, parlent de bagages. Et à l'école, ils raquettent des rondes de flics, toujours là pour nous pourrir la vie. Attendent de te serrer tout seul et te font voir du pays. Émeute qui explose, ça commence par interpellation, suivi de coups de bâton, puis ça se finit par incarcération. De façon, on se démerde, mec, ici on survit. Fume des substances nocives pour apaiser les ennuis. La galère n'arrange rien, au contraire, elle empire les choses. Si certains prennent des doses, c'est pour pouvoir penser à autre chose. Les frères sont armés jusqu'aux dents, tous prêts à faire la guerre. Ça va du gun jusqu'au fusil à pompe, puis brûle les Rockefeller. À quoi ça mène? Embrouille de cité, on se tape dessus. Mais tu te mets à chialer lorsque ton pote se fait tirer dessus. Encore un bico ou un négro, les Babylones sont fiers. Ça les arrange coup là, y'aura pas besoin de bavure policière. Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer, leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. La France est une merde, c'est où c'est fait trahir le système. Aux Français, tant que j'y serai, ça sera impossible. Par mesure du possible, je viens cracher des faits inadmissibles. À vrai dire, les incans perdent le sourire, obligés de courir. Certains ont eu le malheur de mourir, des homicides volontaires. J'ai une pensée pour leur mère, blessée par un décès. Bavure classée en simple fait divers. Contrôle qui part en couille, des potes se font serrer par les keufs. J'ai le seum lorsque jette des pavés sur le G9. Mes potes, je les aime, c'est pour ça que je les laisserai jamais béton. Même s'il y en a qui béton, si on est tous des jeunes du béton. À présent, y'a plus de bluff, on vient dire toute la vérité, faut leur en faire baver. La seule chose qu'ils ont mérité. Ma parole les gars, ouais. S'il y en a un qui se la joue vénère, s'il veut se la raconter cet enfoiré, je vais lui baiser sa mère. De toute façon j'ai plus rien à perdre, j'aimerais les faire pendre. Mais on sait pas parce qu'il porte la flingue qu'il peut penser mettre à la mort. La vérité est masquée, à savoir ce qui s'est passé. Le mystère des GAV, un blème qui ne pourra être démasqué. J'ai dit steak à toutes mes gardes à vue, ils m'en ont fait baver les enculés, mais ils ont pas tout vu. La France est une gare, et on s'est fait trahir le système. Voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. C'est pas contrôle musclé, la bague passe et demande tes pieds bas. Si je les ai pas, là ça commence par insulter ta mère, ta soeur, tes frères, ça dégénère et tu te fais péta. Tout Nissan, la délinquance en moi, la haine en moi. Donc s'il faut insulter leur mère, pour ça y ait confiance en moi. Dans la rue, règlement de compte entre Cyril et Mamadou. La police est intervenue et a interpellé l'agresseur. Dans la rue, règlement de compte entre Badou et Mamadou. La police a tout vu et resté en tant que spectateur. Donc est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où il neige, je crois pas. Dans le fond, je travaille pour ton pays. Pour ton pays, persécution alors que je fais gagner de l'argent à ton pays. La France est une garce, mon seul souhait désormais est de nous voir les envahir. Y'a trop de faits marquants, donc je suis obligé de décider. Inflige-tu un homme froidement et se retrouve acquitté. Sans banalité, non. Y'a trop d'inégalités, justice à demain.